Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Vous pouvez baisser votre bras. Je ne suis pas ici pour vous gifler, mais bien pour vous présenter les conséquences des actes de votre macho de matou. Ma Florence Amiba. Ouh, ils sont mignons. N'est-ce pas? Monsieur Courtemèche, vous avez... Oh, pardonnez-moi, jeune femme, mais vous prenez toute la place avec votre boîte. Poussez-vous un peu. Impossible, vieille dame. Je fais déjà un avec le cadre de porte. Et si vous n'étiez pas si boulotte? Vieille dame? Boulotte? Non, mais... Pourquoi n'entrez-vous pas toutes les deux plutôt que de rester sous le seuil de la porte? Impossible d'accepter votre charmante invitation, monsieur Courtemèche, avec cette boîte qui prend toute la place. Que contient-elle de si précieux que cette jeune effrontée ne puisse la laisser dans le corridor? Oh! Quelle horreur! Des bébés rats! Des bébés rats? Vous êtes myope ou quoi? Ce sont des chatons! Ça, des chatons? Ah, allons donc. Elle est sénile, votre visiteuse, qu'elle ne reconnaît pas des chatons. Pah, ça, des chatons? Ah, ils n'ont même pas de poils. Ils sont naissants, femme stupide. Vous avez l'injure facile, jeune femme. Pourquoi tenez-vous tant à imposer ainsi à monsieur Courtemèche votre présence et celle de vos rats? Ce sont des chatons! Bah, si vous y tenez. Mais vous ne me persuaderez pas. Monsieur Courtemèche! Il s'agit en effet de chatons, madame Coudon. Vous croyez? Sûr. En fait, il s'agirait des rejetons de Picard, mon chat. Mais alors? Oui, je vous présente... Sophie Valette. Ma voisine de cinquième. Ah, c'est vous la gifleuse. Vous n'avez pas honte de vous présenter ici après ce que vous avez fait subir à ce pauvre monsieur Courtemèche? Non, mais de quoi je me mêle? De quoi elle se mêle? Vous saurez, jeune femme, que je suis grande défendresse devant l'éternel des causes désespérées. C'est pourquoi je vole au secours de ce pauvre monsieur Courtemèche, un artiste, un être tendre, sensible, fragile, un écrivain méconnu condamné à rédiger une pauvre petite chronique ridicule dans un journal local et insignifiant, alors qu'il aspire ardemment à l'envolée littéraire, à noircir les pages vierges des tendres mots d'un grand roman d'amour entre une dame un peu mûre et... Et si je présentais des chatons à Picard? Ah, après tout, il est leur père. Picard, faut que tu m'aides. J'ai deux harpies sur le seuil de la porte, sur le point de s'arracher les cheveux, et une boîte avec ta progéniture sur les bras. Et remords de remords, ça ne l'intéresse même pas. Aucun secours à attendre de lui. Pourtant, j'ai besoin d'aide. Le téléphone. Qui? Ma mère. J'ai besoin d'aide. C'est qui parle, là? C'est moi, Paul Courtemèche, votre voisin. Si tu veux, mon rat, je t'occupe, là. J'ai besoin d'aide! Mais t'es pas tout seul! Appelle-la, viens! Mais! Ah, bravo! Il m'a raccroché au nez! Il me reprendra lui prêter des trucs, le pépère! Et remords de remords! Qu'est-ce que je vais faire à cette heure? Appeler Mac, je suppose. Mais il va arriver trop tard! Les deux fois, ce seront trépayés! On va m'accuser de les avoir tués! On va me jeter en prison! Tout ça, c'est de ta faute, Picard. Oh, my love. C'était « Oh My Love » de Christian Martin, interprété par Kael. Oh, ma bien chère dame, tu n'es pas chrétien, ce que vous venez de dire là. De plus, c'est morphologiquement impossible. Ah, vous voilà, vous. Vous y avez mis le temps. Ben, c'est qu'il y a plusieurs chatons. Vous sentiez le besoin de les présenter un à un à votre macho de matou? Une présentation générale aurait tout aussi bien fait l'affaire. Redonnez-moi ma boîte. Tenez, là. Monsieur Courtemèche, pour le bonheur des chatons, je pilais sur mes principes et venais faire la paix. Mais je n'ai jamais été aussi insultée de ma vie. Surtout par une femme, si l'on peut appeler ainsi cette poutre outrecuidante gonflée d'orgueil qui crache sur son sexe. Je ne vous salue pas. Ah, bon débarras. Je vais aussi vous quitter, monsieur Courtemèche. Je venais vous parler d'une cause fondamentale concernant le pain pita en piteux état du boulanger d'à côté, pour lequel j'organise une levée de fonds, mais votre harpie de voisine m'a complètement vidée. Aussi, je n'en ferai rien. Je vous plains, pauvre monsieur Courtemèche, de devoir vivre sous une telle femme. Vous avez mes condoléances. C'est le cœur gros que je m'éclipse. Vous semblez indemne, mon très cher monsieur. Pas de marque rouge sur votre joue. Ah, j'ai craint le pire en apercevant votre voisine sur le seuil de la porte. Elle vous a épargné? Oui, en effet. Il faut dire que vous étiez bien gardée. Ouais, mais j'aurais pu m'en passer. Ah bon? Ça se passait plutôt bien jusqu'à l'arrivée de Madame Coudon. Nous sympathisions sur les chatons. C'est difficile à croire, au ton de la conversation à laquelle je fus témoin. C'est de la faute à Madame Coudon, ça. Elle a traité des chatons de rats. Non. Si. Mais quel gâchis. En effet. Elles ne se sont pas trop approchées, au moins, pendant mon absence? Non, pas du tout. Mais c'est venu à un cheveu près. Tu m'as appelé, ma vieille? Es-tu correct? Où c'est qu'ils sont, les chippies? Parti, mon bien cher monsieur. Deux furies furibondes. Peut-être le monde, là, il est correct, là. Pas besoin de faire venir la police. Non, ça va. On a évité le pire, mais... Mais s'il venait à un cheveu près. À un cheveu près. Salut, mon Polo. Comment vas-tu? Moi, j'ai une pêche d'enfer. Mac, témoin. Hey, man. Mon très cher monsieur. Vous avez la mine basse, tous les trois. Pas un autre état de crise. Ah, le same one. Pardon? Notre bien cher monsieur, ici présent, a reçu de la visite. Pas. Son voisine d'en haut. Laisse-moi te regarder, mon Polo. Ah, pas de traces de toi, ni de rougeur sur la joue. J'en conclue que ça s'est bien passé. Well... Je ne dirais pas ça. Comment? Il m'a appelé pour que je vienne le sauver. Deux harpies. Pire que les diables de l'enfer. Comment deux harpies? Elle a une sœur, ta voisine du cinquième? Pas ce que je sache. Alors, c'était qui la deuxième harpie? Mrs. Kudo. Allons donc! Vous me tirez la pipe, là! Pas cette chère Artémise! Elle-même en personne. Elles en sont venues à un cheveu d'en venir au cou. À un cheveu, je vous dis. Je n'en reviens pas. Mais pourquoi? Une question de minou. Encore? Eh oui. Incroyable! Voilà pourquoi je n'ai jamais eu et que je n'aurai jamais de chat. Que des problèmes! D'ailleurs, je te suggère fortement de te défaire d'Ardard de ton picard, mon Polo. Ah, es-tu fou, toi? Pas du tout. S'il est sur le point d'être la cause de la Troisième Guerre mondiale, il vaut mieux t'en défaire vite fait. T'as de bonnes assurances, j'espère. Mais pourquoi? Continue ainsi à médire de picard, et tu devras rendre visite à ton dentiste. Mais tu menaces, mon Polo? Laisse picard tranquille, puis je laisserai ton sourire tranquille. Bon, moi, ce que j'en disais... C'était déjà trop. Harpie maudite! C'est toute leur faute! Toute cette colère là, qui imprègne les murs! Yeah, guys, this is stupid. Serrez-vous la main et faites la paix, là. Allez, là. Pardon, mon Polo. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ah, c'est beau, là. Il n'y a pas de bobo. Tiens, je t'ai apporté une petite musique de Christian Martin qui devrait tous nous calmer. Fais-la jouer! Oh, bonne idée! Thank you. C'était Waltz for Two, interprété par le Newport Orchestra. Cute. Paisible. Salut, mes jeunes. Qu'est-ce que vous faites tout de suite à matin? On se remet de nos émotions, vénéré aïeul. Bon, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il semble que la voisine du déçu ait rendu une nouvelle visite à notre polo ici présent. Ben, v'là une bonne chose de faite. Comment ça? V'là une bonne chose de faite? Vous étiez au courant, papère? Ben oui, c'est moi qui étais allé la voir pour lui dire que c'était pas correct de sacrer des claques dans la face du monde, pis qu'il fallait qu'elle trouve un moyen de vous raccommoder. Vous auriez pu me le dire, au moins? Pourquoi? Ça s'est pas bien passé? Pas très, non, semble-t-il. Ben comment ça? Ah, ça avait plutôt bien commencé, c'est vrai. Elle est arrivée comme ça avec une boîte contenant les chatons qui, selon elle, sont de Picard. Mais je n'avais pas aussitôt fini de m'extasier sur leur mignonnerie. Qu'est arrivé, Madame Coudon? Et là, ce fut l'enfer, très vénéré aïeul. L'enfer. Pourquoi ça? La Madame Coudon, il aurait dit que les chatons, ils étaient des rats. Boswell! Pourquoi il a fait ça? On l'ignore. Cette chère Artémise me paraît s'être trouvée dans une drôle d'humeur. Ce n'était pas drôle, pantoute. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La voisine et notre bien chère dame se sont mises à s'insulter à l'envolée, allant même jusqu'à suggérer certaines activités morphologiquement impossibles. Vous voulez dire... Je refuse de salir ma bouche avec de tels propos. À ce point? Pire encore! C'est là que tu m'as appelé, mon vieil! Ouais, à peu près, là. Mais pas avant d'avoir appelé papère, vu qu'il était plus près. Ah! C'est pour ça que tu m'appelais, mon jeune! Ben, t'aurais dû le dire. Ben, papère, j'appelais à l'aide. Et vous, vous m'avez raccroché au nez. T'as pas fait ça? Vous avez osé. Ouais, c'est pas bien fin, hein? Ben, c'est le moins qu'on puisse dire. On laisse pas une chambre dans le trouble. C'est un péché mortel. Ouais, vous avez raison, mes jeunes. Là, ça se fait pas. Même si je tricotais avec ma mère pis que j'avais de la misère. Alors, je m'excuse, mon hun. Bon, OK, ça va, papère. Ah, comme c'est beau, les réconciliations. Bon, ben, c'est pas tout, ça. Faut que je trouve un moyen de raccommoder à petite Sophie pis à mes coudons à cette heure. Ben, voyons, papère, vous allez pas recommencer? Ben, quoi? J'haïs ça, je suis canne, moi. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes, Carole Bassani dans le rôle de Madame Coudon, Gabriel Jean dans les rôles de Mac, de Pépère et de l'annonceur, Mooney dans le rôle de Sophie et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche et du témoin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution Non-Commercial, No Derivatives, et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention, à bientôt!